Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Ouais ! Messieurs, ils sont grands, ils sont rapides, et vous niquez, c'est leur idée du tourisme ! Au fait, je pensais, je crois qu'on va crever ! Nous revenons de notre séance, notre belle séance de Predator qui est sortie ce mercredi 17. On va dire qu'on n'est pas très emballé par le film, mais ça on va le détailler dans quelques instants. Mais avant, je vais faire une présentation un peu succincte du casting et tout ça. Donc le film Predator, The Predator, quatrième film, on va dire... De la licence Predator. Ouais, la licence. Par contre, il y a aussi les deux AVP dont on peut vous faire un petit rappel que... On a fait une émission spéciale sur la saga et on vous dit un peu tout le bien et tout le mal qu'on pense de l'ensemble des films et aussi des comics. Voilà quoi pour un petit clin d'œil à la précédente émission sur la saga Predator. Et là, on a The Predator qui est réalisé par Shane Black. Alors Shane Black, il est connu comme scénariste d'abord. Il a scénarisé déjà L'Âme Fatale, le Dernier Samaritain, bah aussi L'Extraction Hero, donc des films dans l'ensemble que moi j'apprécie, je sais pas pour toi. Bah, des films qui ont fait leur preuve en fait à l'époque, ouais. Bon, qui n'étaient pas non plus des grands films, mais bon, c'était des bons divertissements de l'époque. C'est ça, donc des scénarios un petit peu le duo de bons gars et de mecs un peu fêlés quoi. Last Action Hero c'était une espèce de parodie avec Schwarzenegger. Très sympathique, moi j'ai trouvé ce film. Puis ensuite, la réalisation, c'est The Nice Guy, c'est Kiss Kiss Bang Bang, avec Robert Downey Jr. notamment. Il a surtout réalisé Iron Man 3 pour le MCU, quoi. Le Iron Man 3, que moi, je trouve quand même meilleur que le 2, mais inférieur au premier, quoi. Alors, pour toi bon, au niveau du Iron Man, bon, c'est un peu du hors-sujet. Le 3, moi, c'était plus dans la reconstruction du personnage Stark que, en fait, dans le film Iron Man. C'est ce que j'avais un peu apprécié dans le numéro 3. C'est que ça sortait du sentier battu. C'était pas non plus à la Logan, mais oui. Voilà, ça sortait du MCU un petit peu et c'était plus concentré sur le personnage de Stark que sur son armure. On revient un petit peu aux origines tout en faisant un peu de fantaisie vu que, si on se rappelle bien, il y avait aussi le portrait du fameux mandarin qui avait fait créer quelques polémiques sur Internet. Voilà qu'on va revenir un petit peu au casting. Alors on a déjà Boyd Holbrook qui fait le militaire McKenna. Alors Boyd Holbrook, on l'a vu dans Logan, c'était lui qui poursuivait Logan et il avait une main cyborg. Je sais pas si tu te souviens de ce personnage. Ouais, c'est celui qui avait la main bionique, ouais. C'était l'antagoniste principal en fait du film Logan. Donc voilà quoi, il a déjà ce look un peu de militaire, un peu... Il a un look de mercenaire, hein. Ouais, c'est même carrément, il a un bon look de brute quoi. C'est ça. Ensuite, on a au casting, on a Olivia Munn, qui incarne la biologiste. J'ai quelques réserves sur cette actrice. Et on l'avait vu dans X-Men Apocalypse, elle jouait le rôle de Psylocke. Ensuite, plus loin dans le casting, j'ai remarqué Thomas Jane. Alors Thomas Jane, il a joué le deuxième Punisher en fait au cinéma. Un petit peu plus discret, on va dire, dans le groupe de Taré qui est composé de multitudes de personnages. L'histoire du film elle est un peu simpliste, hein. Il y a déjà une mission de sauvetage au début, en intro du film. Bon, il y a le mercenaire McKenna qui est impliqué dans cette mission. Il se retrouve qu'il y a un vaisseau prédateur qui est fugitif prédateur qui est poursuivi par un autre vaisseau et qui s'écrase justement dans cette jungle. Donc on rejoint un petit peu le scénario du premier, à part que on fait quelques allusions et puis quelques scènes gore aussi, mais ça on en parlera dans la vie générale. Donc lui il envoie tout ce qu'il trouve comme accessoire à son fils qui est autiste. Le fils autiste qui bien sûr va trouver toutes les clés pour faire marcher le truc. Et il y a déjà quelques incohérences déjà dans cette scène. Et ensuite l'intrigue principale c'est que il est fait prisonnier par le gouvernement en fait parce qu'on veut pas qu'il révèle le truc. Comme par hasard le bus passe par le labo où justement il y a un prédateur qui était dans le coma et qui s'est réveillé, qui a massacré tout le monde et il reste cette biologiste qui apparemment est aussi à sa tête mise à prix et il se joint une espèce de groupe un peu de fêlés, de tarés, de militaires. Enfin bref, on sombre vite dans la caricature déjà. Et leur mission, ça va être d'arrêter le prédateur. Déjà le petit prédateur, je veux dire. Et puis on a aussi la version XXL du prédateur. C'est le mec vraiment balèze quoi. Il fait 3 mètres de haut. Oui, celui qui a abusé des stéroïdes. Ouais. Ça doit être le prédateur américain par typique parce que. C'est une espèce de Frankenstein un peu génétiquement modifié. Puis voilà quoi. On s'arrête pour le résumé. Puis on va passer à un avis général et puis je te laisse commencer. Bon, au niveau de l'avis général, on va dire des films Predator, c'est pas le meilleur, hein. C'est largement pas le meilleur. Moi j'ai trouvé que c'était pas le pire non plus. Pour moi, le pire étant Predators, hein, celui qui était sorti juste avant, où ils se retrouvent sur une planète, ils savent pas comment ils sont arrivés là, et ils vont devoir échapper à des Predators. Voilà, pour moi, le pire, c'est celui-là. Après, ça se joue dans un mouchoir de poche, à mon avis, pour le film, parce que bah, c'est pas un grand film. Hein. C'est assez étrange, parce qu'il y a de l'action, mais il n'y a pas de suspense, parce que bah, tout ce qui arrive, on sait que ça va arriver. Mm-hmm. Après, on nous balance tout. Voilà, quoi, à la bronche. Il n'y a pas de mise en bouche, hein, c'est-à-dire que action et c'est parti. Allez, les mecs, c'est de l'action, c'est parti. Et les explications qu'on nous donne sur les personnages ou sur les prédateurs, ou voilà, tout ça, c'est bon, enfin, non. Rien à faire en fait, ça tombe comme un rond de flanc. Bah, je vais pas répéter ce que t'as dit, moi je me suis profondément ennuyé, encore pire que Predators. Là pour moi c'est du même niveau que AVP et Requiem pour moi, c'est de toute façon il y a que des scènes dans l'obscurité, que ce soit du début à la fin, à part la scène de fin où ça se passe de journée, mais quasiment le film fait une heure et demie quoi, à peu près, quasiment pendant une heure et quart, c'est on est dans le noir, on est dans la jungle, il fait noir, voilà quoi. Bon, le film est un petit peu plus gore que les autres, je dirais, parce que en termes de charcuterie et de barbac, ça vole dans tous les coins. Je trouvais que c'était du même acabit au niveau, enfin, gore. C'est du gore qui fait pas mouche, hein. Du gore fake. Ouais. Je trouve que c'est du même acabit que les autres Predators, enfin, que Predators. Ouais, quand tu dis fake, ça veut dire que le sang fait trop numérique, les effets font trop numérique quand par exemple, t'as les militaires qui se font exploser la tronche ou couper en deux. Voilà. Bon, ça fait très numérique, quoi. Ça fait très numérique, comme dans Predators, hein. Ouais, c'est pareil. Ça. Et voilà, quoi. Bon, moi, je pourrais ajouter plein mal de trucs. Beaucoup d'incohérences. Ben, c'est une incohérence par scène, moi, quasiment. Moi, je parlais de la biologie. Olivia Munn, elle est très très mignonne, mais moi, elle est préparée à traquer la bête parce que elle bondit partout, elle prend les flingues, je sais pas, moi c'est une universitaire, donc déjà moi je trouve qu'il y a un problème avec ce personnage. Puis bon, le mec, le McKenna qui arrive au milieu de sa bande de fêlés tarés, il suffit d'un beau discours pour que ils deviennent tous des héros, faut arrêter aussi quoi. Bah là on en reviendra plus dans la partie spoil, ouais. Parce que là va falloir en parler, ouais, parce que c'est vrai que on va un peu dériver quoi. Voilà, au niveau incohérence, on est bien bien servi dans ce film. Ouais. Bah, de toute façon, plus la saga Predators avance, au niveau des incohérences, ils en ont plus rien à faire, les scénaristes. On voit que c'est pour balancer vraiment l'exploitation pure franchise. Tu mets ton cerveau sur pause, tu vas voir ça, et puis ils balancent des conneries du style, c'est la scène de début. Hein. Apparemment, les prédateurs se régénèrent avec le sang humain. J'ai pas tellement compris, mais bon, j'ai trouvé cette scène complètement débile. Si on fait tout le tour de toutes les scènes, on va spoiler tout le film déjà. Par contre, comme je disais, l'autiste, il résout tout comme d'habitude. Encore une fois, un truc, on le voit arriver de loin. C'est-à-dire que dès l'introduction du personnage, quand on vous reviendra un peu plus tard dessus, on se dit, lui, on sait exactement ce qu'il va devenir. Et puis, je trouve ça super intelligent d'envoyer des accessoires ultra top secret par la poste. Ça, c'est une débilité, ce truc. Bon, moi, par rapport au scénario de Predators, je trouve que Predators a moins de conneries à la minute, je veux dire, que ce film-là. Mais bon, c'est mon avis. Après, au niveau des incohérences, pour pas dire conneries, que ce soit Predators ou l'autre, pour moi, ils se valent. C'est-à-dire que y a des trucs, on se demande pourquoi, voilà. Mais par contre, au niveau tournage, ça se joue à pas grand-chose à mon niveau, mais je me suis moins ennuyé devant celui-là que devant Predators. D'accord, déjà. Est-ce que t'as trouvé que les spéciaux dans l'ensemble, que ce soit l'ultimate Predator qui est en mouvement ou les vaisseaux spatiaux, est-ce que t'as trouvé que c'était crédible à l'écran? Crédible ou pas, on s'en fiche, hein. En fait, ça fait fake. Donc, voilà. Ouais, mais le vaisseau, quand même. Le vaisseau, excuse-moi, hein, mes jeux sur PlayStation, ils sont aussi bien faits que ça. Donc, d'accord. Donc, tu trouves que c'est quand même un niveau en dessous de tout ce qu'on peut voir habituellement? Non, c'est pas ça. C'est que moi, le visuel, j'en ai rien à faire parce que l'histoire suit pas. Ouais. Donc, ils ont beau avoir le meilleur visuel du monde, si l'histoire suit pas derrière, j'y accroche pas au visuel. D'accord. C'est un peu comme. Je pense que tu comprennes ce que je veux dire, mais. Parce qu'on va parler, par exemple, à Thor Ragnarok. Ouais. Je peux pardonner les faiblesses du visuel parce que le scénario. L'histoire, on est pris dedans, on est bien et tout. Oui. Tandis que là, on s'attarde sur les défauts visuels parce qu'on se fait tellement chier pendant le film qu'on se dit, tiens un défaut, tiens un problème. C'est vrai que moi j'ai décroché, je crois, même pas 10 minutes après, parce qu'on voyait vraiment tout arriver de loin. Enfin, c'est fatigant, quoi. Ah oui, je m'ennuie moins devant un Machete que devant un Predator, par exemple. C'est, parce que là, c'est un peu moins fait pour... ils ont essayé de pas se prendre au sérieux, ils essayent de faire des vannes, mais ça va, ça tourne à plat. Ça marche pas, et puis tu sais pas... t'as une situation qui s'amorce, puis les désamorcent tout de suite par une vanne, alors déjà qu'ils arrivent pas à faire monter la sauce, mais en plus, ils flinguent la situation directement derrière. Y a même pas de dramatisation, elle dure 2 secondes, quoi. Ouais, voilà, donc c'est des Predators, sont venus, en gros, tuer tous les humains ou les servir ou n'importe, ou s'en servir, ou les chasser, mais on désamorce tout de suite derrière. Bah, je crois qu'on a fait le tour pour la vie générale, on peut peut-être passer sur les... Je pense qu'on va passer... Sur les séquences clés avec le spoiler. séquences clés, on les cherche encore, mais on va passer un spoiler sur les séquences qui nous ont un peu choqués. Donc, ça va faire les 2h30 suivantes. Hein. Ça marche. Donc, on va commencer les 2h30 suivantes. On va commencer déjà dans la scène dans la jungle, l'intro dans la jungle avec cette espèce de il coupe le gant en deux, puis là, t'as le sang qui coule sur la main du prédateur qui a été coupée. Et puis, je sais pas, la main du prédateur devient autonome d'un coup. Alors, t'apprends plus tard qu'en fait, ils ont fait des expériences sur les prédateurs. Ils ont mélangé avec de l'ADN humain. Donc, on peut supposer que c'est un peu ça, mais c'est ce qu'on apprend plus tard. C'est un peu ridicule. Ils comprennent pas pourquoi il y a de l'ADN humain dans le Predator. Mmh. Donc voilà quoi, une première scène, et puis je te disais, je t'envoie le colis par la poste, et puis... Ah ouais, ça c'est fantastique. Je veux dire, le mec il trouve des trucs top secrets, ouais. Et il l'envoie par la poste, pourquoi pas, hein, mais enfin, moi je pensais que quand ça venait de Colombie ou des pays où apparemment il se passe des guérillas, c'était un minimum contrôlé au niveau du service postal après. Et puis j'ai trouvé que c'était pas crédible, c'est que les armes elles s'adaptent à son porteur. Mais après, je pensais que c'était à l'ADN du porteur en fait. Pourquoi pas, ils essayent d'innover, mais c'est... Ouais. Non, ils essayent pas d'innover. Ils essayent de justifier le fait qu'on va devoir servir de ces armes du Predator après. Mais c'est un peu facile quoi. Ah mais oui, il prend une boule déjà pour se camoufler. Voilà, puis c'est... Après il sert d'une espèce de poignée là. Il découvre tout par hasard, mais je veux dire... C'est au bon moment. Ouais, t'as l'impression qu'il a trouvé un iPad par terre et qu'il arrive à s'en servir sans lire la notice. C'est ça, c'est un peu comme si l'homme de Néandertal découvrait... une console Atari 2600, puis que il s'est tout de suite joué quoi. Non, c'est encore pire. On dirait qu'un homme de Néandertal trouve une Atari 2600 et qu'il fait le même qu'un super calculateur moderne. D'accord. C'est-à-dire que ce machin il peut faire ça. C'est cool, j'ai trouvé que ça peut faire ça. Ça c'est super pratique quoi. Hein. Là, y a besoin de se camoufler. Ouh, ça se camoufle. Le truc qui sort, en plus, ça lui donne les outils qui sortent automatiquement du brassard. Ouais. Bon, après, il y a la séquence du bus avec les vannes. J'ai eu une prise de tête avec un alien. Ça, on le voit dans la bande. Ouais, mais bon, les fêlés là avec les caricatures, avec les je te fais des grimaces. Ouais, puis il y en a un qui est un peu débile. Et Puis c'est tous des, tu vois, c'est tous des gars dangereux, c'est-à-dire que faut y faire très attention. Ouais, ouais. Puis les gars dangereux, tu l'amènes là où il y a l'alien, quoi, à l'association Stargazer. Donc Stargazer, ouais, ça fait un peu Stargate d'ailleurs. Ouais, bon. Ça fait un peu Stargate ou Grandizer peut-être. Mazinger Z. T'as le Predator qui se barre et puis il casse la gueule à tout le monde, il découpe des mecs dans le camion, et puis t'as l'autre qui fait ça va les mecs, il passe juste un bras et c'est ok. Il s'arrête pas pour vérifier. Rien du tout. C'est vrai que c'est pas fort sécurisé comme labo. Donc en gros, si vous avez pas trop de compétences, que vous avez pas quoi faire de votre vie, vous pouvez faire homme de main dans un labo gouvernemental. Donc le labo il est pas super sécurisé, je trouve, parce qu'il est attaché avec une simple sangle, je sais pas si t'as remarqué. Le mec, il est vivant, regardez, il a de l'ADN humain. Ouais. Oh, il doit avoir une force colossale, on va l'attacher avec deux bouts de scotch. Donc c'est un peu normal qu'il massacre tout le monde quoi. Mais voilà quoi, on est encore dans la caricature du labo. Ouais, c'est en profondeur, mais le mec arrive quand même à se barrer. C'est ça qui est un peu bizarre. Et puis il court sur les toits. Et puis t'as la super nano Wonder Woman qui arrive. Alors je sais pas les critères d'embauche pour être biologiste dans un centre de recherche américain. Ouais. Apparemment, faut être très sportif et connaître les armes sur le bout des doigts. C'est ça, parce que elle s'est vite adaptée hein, entre nous. Ah la vache. Ouais, très vite. Même. Ça doit être elle le nouveau Predator. Parce que... Là, elle est biologiste, elle sort des armes, elle court après un prédateur à vitesse identique et elle saute sur des bus. Mmh. Mais c'est quoi, c'est... Il y a ces sacrées cascades. Hein. En fait, c'est Princesse Diana, on s'est gouré, hein. Ouais, non, ce personnage, il est très mal écrit, il y a aucune crédibilité. C'est l'inconvénient de maintenant, tu vois, là, c'est dans le bus, c'est que des mâles alpha, on va dire. Hein, c'est des mecs, on a des muscles et tout, et puis ils ont eu peur de se prendre les féministes sur le dos et se sont dit, on va faire une femme encore plus badass, tu sais. Ouais. Non seulement elle a un cerveau, mais en plus elle a des muscles. C'est exactement ce qu'ils ont voulu faire. Mmh. Mais ça aurait été mieux que ce soit une mercenaire un petit peu intelligente. Dans Predator, tu vois, c'est une mercenaire. Donc le personnage était intéressant. Elle est entraînée au terrain, la psychologie, elle connaît, et puis les armes, elle connaît. Parce que c'est son métier. Là, c'est une biologiste, ça colle plus, tu vois. C'est... Non. Et puis comme je te dis, le personnage de féminin de Predator, c'est un peu l'équivalent de Adrienne Brody dans ce film-là. C'est quelqu'un qui est formé aux armes. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui survit avec le personnage principal. Et moi, je trouve ce personnage plus intéressant que la biologiste ou qui attrape des facultés extraordinaires tout d'un coup. Quoi. Ah ouais, je veux dire, c'est dingue quand même, parce que une biologiste, pas d'entraînement militaire et tout, puis elle résiste bien. Hein. Ah oui, carrément. Elle se bat, elle lance les armes aux États-Unis, ça doit être très facile à utiliser. Complètement. Puis il n'y a pas de recul, hein, t'as remarqué. Ah si, souvent elle se fait éjecter en arrière. Ah bon, ça va, alors. Quand ça explose. Mais ça explose à un mètre d'elle et pas une brûlure, pas un shrapnel, c'est rien ça, du tout. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de. Quand tu te prends un arbre, par exemple, ils finissent tous contre les arbres à un moment, je sais pas si tu te souviens. Cette scène de fin, presque de fin, là, dans la jungle, dans la forêt. Ouais, l'autre il vole, il se prend un arbre dans le dos, il y a rien du tout, il se relève comme si qu'il y avait rien, quoi. Donc les colonnes vertébrales là-dedans, ils sont tous en acier, quoi. Ouais, c'est tous des Wolverines là-dedans. Ouais. Je sais bien, c'est des X-Men, hein, les Logan et les X-Men d'Apocalypse. Au niveau des mecs qui ont rien, quand ils se prennent une attaque, il y avait le même problème dans Predators. Hein. Ils se prenaient des missiles et tout, puis ils se relevaient, puis ils recouraient après. Ouais, on va dire ça. Et même dans le premier, il y avait quelques incohérences aussi, faut le dire. Mais, ouais. Donc ils vont dans l'hôtel, et puis là, elle commence Avant ça, c'est-à-dire ils sont dans le bus, il y a un alien qui me court après. Tout le monde se dit, oh chouette, bon allez, on va aller lui péter la gueule. Non mais personne se barre quoi, les mecs c'est des mercenaires, sont là pour survivre, et ils s'en disent, oh ben non, on va plutôt aller chasser du Predator, ça a l'air marrant. Il y a déjà un problème, parce qu'ils arrivent dans la maison de son fils, là, d'ailleurs il est divorcé de sa femme. Ouais, McKenna. Ouais, donc ils vont voir son fils, parce qu'il s'est barré en plus, avec son casque qui doit peser je sais pas combien de kilos en plus. Ouais, il doit être lourd, et des armes casque, de pointe sur le dos. Et puis en plus, il y a les espèces les boulies là, tu sais, les mecs ils emmerdent les petits là. Ouais, les boulies. Ouais, ils tirent. L'autre le barre à quel point elle part en morceaux. Je sais pas si tu te souviens vaguement de cette scène. Une scène ridicule d'ailleurs en pleine rue. Hein. Je l'ai vu arriver. Il lui envoie une caillasse. Bon bah lui il va exploser. Il y a aussi ce problème là. Donc voilà quoi. Et puis il arrive chez lui. Bah, ils veulent tous regarder la télé, tu sais, manger des tout le truc. Et tout d'un coup là il sort un discours. Un discours, vous êtes des soldats machin. Ils sont pris de remords et puis ils vont dans la caravane et puis ils s'en vont quoi. Bah ouais, en gros, il dit des mecs que c'est les meilleurs des meilleurs. Ouais. Alors, on est les meilleurs, on se casse, on va les tuer de l'alien. Ouais. Les mecs, ils vont atterrir en prison, mais non, on va les tuer de l'alien, éclate. Il y a un problème avec ces personnages. Puis t'as vu, c'est des mercenaires, des tueurs et tout, mais ils sont sympas avec les gens quand même. Hein. Ils sont sympas, ils violent ça pas va, tout petit, ça. Ça va bien, ouais. Je sais pas, mais si vraiment ils avaient leur bas instinct, la biologiste, il n'aurait pu, la femme de McKenna, elle prendrait aussi, Puis ils trouvent des armes partout. Ouais. En plus, hein, comme c'est pratique. Donc voilà quoi, l'autiste, le gamin, il se balade avec son casque, il tombe sur les clébards. Les chiens de l'espace. Ouais. Il faudra qu'on en reparle aussi, ça, des chiens de l'espace. Tu peux en parler si tu veux maintenant. En fait, les chiens de l'espace, alors il y en a un, il court après tout le monde, donc ils arrivent à le faire exploser de l'intérieur. Et puis le deuxième, l'autre, il arrive tranquillement, pépère, il lui tire une balle dans la tête, et le chien, il devient aussi docile qu'un chihuahua. C'était pas les chiens nerveux de Predators, hein. Non, mais ils avaient même pas de pique, rien du tout, ils avaient juste des dreadlocks. C'est ça, c'est vraiment au niveau design, c'est vraiment feignant parce que on te colle une visage de Predator sur une espèce de créature à quatre pattes. En fait, c'est un mélange entre une tête de Predator et les gardiens de Gowser dans Ghostbusters, ça fait la même chose. Oui, c'est vrai que ça m'a fait penser à cette espèce de chien avec des yeux rouges, c'est celui-là. Azul. Ouais. Voilà quoi, bon, il y a eu le passage avec les chiens, donc voilà quoi. Puis après, le running gag de je balance une grenade au chien, il me la ramène, je balance une grenade au chien. Ouais, alors ça aussi c'est lourd. Hein. Ah, oui, je te jure, j'ai fait la même que Fabien à un moment. Ouais. Je pense que déjà j'avais perdu le fil du truc et je me concentrais vraiment pour vraiment suivre le reste parce que j'en avais plus rien à foutre à ce moment-là. Il arrive un moment, on recherche plus que les bullshit dans le truc parce qu'on se dit c'est de la merde quoi ton truc quoi. Moi j'attendais l'affrontement entre le prédateur classique on va dire et l'espèce de prédateur de 3 mètres quoi, le balèze quoi, parce qu'il fallait mettre à balèze parce que sinon plus t'as de suite et plus il faut un adversaire qui est de plus en plus fort quoi, tu vois. D'ailleurs dans le prochain prédateur qui sort il se bat contre les Pacific Rim, les Jaguars. Le kaiju de Aquaman là qu'on a vu dans Aquaman d'ailleurs, après ils vont dans la forêt, c'est là que il y en a un imbécile qui joue avec le shuriken, il se le prend dans la tronche, dans la poitrine. Non, mais attends, il y a un mec qui joue avec le shuriken, il s'est coupé la main, c'est à ce moment-là, c'est ça? Bah, il s'est pas coupé la main, il rentre carrément dans le torse. Pour moi, il se fait couper la main parce que t'as l'autre qui dit non mais t'inquiète pas, ça va revenir, faut juste que tu l'attrapes. Ah, t'as un shuriken qui te va dessus, moi je me casse de l'autre côté. Il me semblait on voit pas bien cette scène. Hein. Il me semblait que s'il bute, c'est parce que l'inconvénient, c'est tout dans le noir. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un faux raccord là, à ce moment-là, mais. Pour moi, c'était, il perd sa main, quoi. Enfin, tu vois, comme quoi. J'ai vu la main qui partait, mais il me semble que quand avant qu'il bute, il y avait le shuriken qui était rentré bien au niveau du torse, quoi. L'autre, il se fait complètement déchiqueter par le grand prédateur en plus. C'est la chair à canon pour moi. C'est de la chair à prédateur. Bah, de toute façon, c'est simple. Tous les second couteau, tous les militaires habillés en militaire, là, tu sais, avec leurs uniformes bien, qui sont pour les méchants, méchants, les gentils qui viennent méchants, c'est l'espèce de mec le noir qui bouffe du chewing-gum. Qui bouffe des mentos, hein. On a bien vu la pub, les mecs. Hein. Ouais. On le voit bien 3 secondes. Je sais même pas. Et en fait, là, tu vois, tous ceux-là, ils se font dézinguer comme des merdes, et les autres, c'est un peu plus héroïque. Enfin, un peu plus héroïque, ça reste quand même de se faire dézinguer quand même. Donc, le premier qui meurt dans cette équipe, c'est le Punisher, en fait. il saute sur le prédateur qui est en flamme, là, puis il meurt là, quoi, en fait. Ouais, il saute dessus, ouais. Et il poignarde, un peu comme dans Predators, quand le Tollar poignarde le prédateur. Ouais, ouais, c'est un rappel. Les Lot, bon, là, le feu, il n'a un peu rien à foutre, donc il se barre avec son vaisseau. Et puis, il prend le gamin au passage, parce qu'il faut bien un cobaye aussi. Ah, ça aussi, on le voit arriver quand il dit « je vais venir prendre McKenna ». Moi, je dis oh, « c'est le gamin, c'est le seul qui a ouvert les portes ». Ouais. Donc il dit, il vient chercher le gamin, qui apparemment est la prochaine étape de l'évolution de l'humanité. Non, puis il y a l'histoire de, ils font des tests sur les prédateurs. Apparemment, ils ont des savants sur leur planète qui font des tests. Ouais, pour faire des hybridations prédateurs. Prédateurs humains. Ouais, non, mais même dans les meilleures races de ce qu'ils ont réussi à pas chasser ou enfin un truc dans le genre, quoi, tu vois. Ouais. Dès que c'est plus fort qu'eux et qu'ils ont eu du mal à le chasser, ils prennent un peu de leur ADN. Tu l'as compris comme ça, mais bon, peut-être que je vais fermer l'œil entre deux. Bah, ça m'a tellement passionné que je m'en foutais, quoi. Après la scène de la forêt, bah, t'as la scène avec le vaisseau spatial, donc ils vont sur le vaisseau, ils jettent dessus, bah t'as le Mexicain, il perd ses jambes, hein, en fait il y a le bouclier qui se déploie, bah l'autre au lieu de plonger, les deux les abrutis là, ils plongent pas parce que de toute façon eux ils sont destinés à crever. Quand je vois l'autre plonger en bas et l'autre en haut, j'ai bon bah comme par hasard, c'est l'acolyte qui est en haut, et je dis je voyais déjà le moteur fumer de loin, je me dis bon il va se jeter dedans. Ouais. Putain, ça a pas raté. Ouais, non, ça a pas raté. Et puis l'autre, il perd ses jambes, il dégage. Ça m'a coupé les jambes, cette scène. Il glisse en dessous, puis facile hein, pour rentrer dans le vaisseau, je trouve. Ah ouais, c'est simple. Hein. Il a vu une fois son fils faire le code. Alors, il y a des centaines de caractères, mais en apparemment, plus, il sait reconnaître l'écriture cunéiforme d'un prédateur. On n'a pas parlé de la prise d'otage dans le vaisseau, là, au moment. Enfin, dans le vaisseau qui est. Dans le vaisseau du classique, pas de l'autre. Ouais, du prédateur nain. Du passe-partout prédateur. Ouais, enfin, du fugitif, on va dire. Cette scène, encore une fois, elle est ratée. Il traque McKenna. Puis après, il s'associe avec. Enfin, ils font n'importe quoi, finalement. Ouais, retour maintenant en veste. Ouais, il y a un prédateur. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, on s'unit, on chasse. Ouais, tiens, voilà ses armes. Sérieux, alors les mecs? Ils sont prêts à le buter, quoi, carrément. Ah ouais, ils sont prêts à s'entretuer malgré la présence du prédateur. Et tout d'un coup, bon, bah, c'est bon, allez, on s'associe. Ouais, on devient copains, quoi. Mais ces alliances, on l'a déjà vu dans d'autres films. Mais là, sans, il n'y a vraiment pas de lien, il n'y a rien, il n'y a aucune explication, quoi. Ouais, même l'alliance du symbiote qui devient gentil dans Venom, c'était plus logique. Oui, pour vous dire. Plus sympathique, on va dire. Bah ouais, bah on a fait le tour du film, là, je pense. Ah non, moi je voudrais aussi parler que apparemment le film, ils aiment bien faire l'exploitation des mineurs. Parce que comme son petit, c'est un cerveau, il se fait recruter par l'agence gouvernementale. Ouais, ça c'est la scène finale. Ouais, ça, c'est donc on va parler de la scène finale, parce que celle-là, elle est complètement débile. Je crois que c'est peut-être la plus débile du film, d'ailleurs. Ben franchement, ouais, la scène finale, le film, il est too much du bout à l'autre, hein, c'est-à-dire, bah, non, mais arrêtez les mecs, tu vois, à chaque fois, t'as envie de te dire, bah arrêtez les mecs, enfin, l'autre, le prédateur, il fait, il supporte 300 kilos en une seule main, et t'as l'autre qui le plante avec un couteau, il arrive pas à s'en débarrasser, t'as envie de dire, arrêtez. Puis t'as la scène finale où tu te dis, non, mais vous nous prenez pour des cons. Alors là, c'est encore pire, parce que, on va raconter un peu ce qui se passe, hein, il arrive, il voit que son fils, En gros, il comprend le langage, et puis, Ah, c'est un peu chouri dans le Wakanda, quoi, c'est-à-dire qu'il prend en charge toute la technologie prédateur, et il adapte à l'humain. Et puis tout d'un coup, ils ouvrent une espèce de coquille, là, puis ils sautent dessus, et puis on voit le truc arriver de loin. Hein. Bah, on le voit arriver de loin. Déjà, il ouvre une sorte de coquille et il dit « Attends, il est en train de me dire son nom. » Et tu vois tous les trucs à la Matrix qui apparaissent. Ouais. Ah, c'est l'anti-prédator. Donc, et puis il y a une armure qui se dessine autour de ce savant. Il commence à pas à flipper. Ah, c'est la marque 42. Donc, on est plus que... Ouais, c'est la marque 42 qui se... c'est la dernière de Infinity War, la 46. Ah, je sais pas. Je pense que c'est plus 46. Mais pour vous dire que ça fait un peu invention à Tony Stark. Oui, enfin, il y a aucune imagination, c'est que on fait une porte ouverte sur une suite que carrément avec les humains maintenant ils ont une super armure à la Predator, ils peuvent dompter la technologie comme si il y a pas de problème, et puis les autres ils ont qu'à s'amener, quoi, maintenant. Ouais, en gros c'est une fin à la Pacific Rim 2, hein. C'est-à-dire allez, on va venir vous péter la gueule sur votre planète, ça fait un peu ça, quoi. C'est ça. Puis la même fin avec Independence Days numéro 2 où justement ils découvrent la technologie des aliens et la technologie de pouvoir voyager dans l'espace, ils disent ouais, voilà, à leur péter la gueule. Mais carrément, à la fin. Ouais, donc voilà. Et puis l'armure à l'Iron Man, hein, c'est-à-dire, un brassard, on va dire. Ouais. Et puis tout, ça devient une armure avec une tronche de prédateur. Ça se déploie, quoi. Avec des méga lance-missiles à la War Machine sur l'arrière. C'est de la nanotechnologie, quelque part. Ah ouais, t'as l'impression d'un mélange entre Predator et War Machine. C'est ça, c'est War Machine. Ouais, j'ai pensé à ça aussi. La caricature de A à Z, quoi. Du début à la fin, quoi. Bah, tu vois, là, c'est caricaturé, c'est-à-dire, en gros, on va venir sur votre planète, on va vous casser la gueule. Par contre, tu vois, tu regardes les films genre Starship Trooper, c'est de la caricature aussi, mais c'est tourné d'une telle façon que t'arrives à mieux encaisser le choc que dans Predators. Ouais, parce que c'est hyper exagéré dans Starship Troopers. Mais dans Starship Troopers, c'est un truc à la Robocop, comme la série télé. C'est-à-dire que, tu sais, t'as des pages de pub dans Starship Troopers pour engagez-vous. Et là, t'y arrives à croire parce que la façon dont ça a été tourné, c'est, ça fait un peu, c'est du n'importe quoi, mais vous inquiétez pas les mecs, on se prend pas au sérieux. Là, dans Predator, ça veut se prendre au sérieux, ça y arrive pas. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de second degré dans ce film. Non. Enfin, ils essaient de faire des vannes, mais ça marche pas comme ils essayent de faire des vannes, mais comme dit Fabien, il n'y a pas de second degré, c'est au premier degré. Ouais, c'est sérieux, c'est mal filmé, il y a plein de problèmes au niveau des raccords, les scènes sont tout le temps dans le noir. Du coup, dans les scènes d'action, elles sont pas lisibles pour moi. C'est brouillon, le film est brouillon. Mais déjà, Predator était brouillon, mais celui-là, il est. Il y a un peu de ventre mou quand ils ont plus le budget d'effets spéciaux et qu'ils discutent un peu dans le camping-car. Ouais. Mais sinon, voilà. Ah, c'est le camping-car. Allez, bien concis celle-là. Ouais, dans l'ensemble, c'est très mauvais, faut le dire. T'as quelque chose à rajouter sur ce mauvais film ? Moi, je voudrais dire qu'il faut arrêter de nous massacrer des licences. Je sais pas si les gens, ils avaient spécialement envie de voir un plus gros Predator mettre une tannée à un plus petit Predator. Parce que ça fait comme dans Predators, à chaque fois, c'est le plus gros qui met la tannée au plus petit. Et puis, comme par hasard, les humains, avec leurs pauvres moyens, ils y arrivent parce que t'as toujours un mec badass qui arrive à sauver la situation. C'est toujours le même truc, et puis y a pas de renouvellement, et c'est toujours dans la surenchère de bouillie numérique. On peut nous faire des beaux effets. Les vaisseaux sont bien faits, faut pas arrêter. Faut connaître, ouais. Mais on n'est pas pris dedans, parce que le problème de ce film, c'est qu'on a le temps de se concentrer sur ce qui va pas. Parce que, on se fait chier pendant le film, quoi. Non, puis t'en as rien à battre des héros, parce que... Ils sont pas sympathiques, en plus. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont sur la mécanisme Predator. Ouais. T'as le héros, t'as la dame du héros, parce que j'ai encore prendre les féministes sur le dos. T'as la co-héroïne. Ouais. Donc ces deux-là, faut pas qu'ils meurent, parce que un, c'est une femme, elle est badass, faut pas qu'elle meure. Et l'autre, c'est le héros, donc il doit pas mourir. Ouais. Et tous les acolytes, tu sais qu'ils vont y passer. Ils vont dégager, quoi. Tous. Ça, c'est obligé. Et c'est toujours pareil. Et il y a aucune surprise. Non, c'est un film sans surprise et sans saveur. C'est un peu comme dans... Finalement, quand on avait un petit peu évoqué le trailer dans une précédente news, et moi j'avais dit, il n'y a rien d'original, il n'y a rien qui va émerger, ça va être l'exploitation pure de licence. Voilà. Et j'ai pas été surpris, parce que pour moi, le trailer est à l'image du film complet. C'est-à-dire que c'est impersonnel, c'est un film de studio, puis vraiment, c'est de la soupe, quoi, c'est de la mauvaise soupe, quoi. Ouais, puis c'est pas le scénario, voilà, pour eux c'est secondaire. Faut montrer des scènes d'action, là c'est tout, c'est le scénario, c'est ça. T'as l'impression quand même de regarder un film de jeu vidéo, adapté d'un jeu vidéo, tu sais. Déjà dans Predator c'était le cas. Hein. Ouais, quand même. Ouais, ça faisait le mec mais qui dans chute. Mais dans AVP aussi, ouais. AVP, ouais, carrément. Encore pire, quoi. Ouais. Mais là dans Predator, tu vois, c'est le mec qui chute, il se arrive à la Jumanji, quoi, dans un monde, et puis il faut qu'il se démerde. C'est juste pareil, sauf que c'est les Predators qui arrivent. Je me rends compte quand même que j'avais dit du mal de Predator 2, mais je me rends compte que c'est quand même un film qui peut être qui est quand même haut dans le classement des films Predator. Hein. Mais après, encore une fois, je me répète par rapport à ce qu'on avait dit sur la saga Predator, c'est que on peut plus être surpris par un film Predator. On connaît la gueule du Predator, on connaît sa façon de penser, on connaît sa façon de chasser. Alors on connaît comment ils arrivent à le battre à chaque fois, hein. C'est toujours plus ou moins la même chose. Hein. Mais pourquoi ? Donc on n'a plus de surprise. Pourquoi ils font pas un film sur la planète des prédateurs, justement ? Ça va être pareil, ça va être les prédateurs qui se déchirent la gueule entre eux, c'est le plus fort qui gagne. Enfin, c'est comme un film sur la planète Alien, c'est un truc qui va être redondant. Il n'y a pas de matière pour moi. Ouais, mais dans Alien, les quatre aliens, ils sont différents, mais ils sont intéressants dans leur forme. Enfin, moi, je sais pas, je trouve qu'ils sont quand même intéressants, même si à Résurrection, il est très critiqué sur Internet, mais moi, je trouve qu'il y a quand même un intérêt. Quand tu vois des quatre aliens, il y a un intérêt. Je vais écarter les AVP parce que ça, c'est mauvais. Et là, avec Predator, on fait que du réchauffé. Il y a que du réchauffé. Ouais, mais il n'y a pas matière à faire autre chose. Hein. La planète des Predators, c'est une planète de chasseurs. Mmh. On a l'Empire Kree ou l'Empire Goa'uld qui est pareil, quoi. Je veux dire, c'est des chasseurs, et puis c'est mort, quoi. Il faut espérer que Captain Marvel soit un petit peu plus intéressant quand même, hein, à ce niveau-là. Hein. On va finir par notre note générale sur 5. Sur 5, je vais lui mettre 1,5, hein, pas plus. 1,5 parce que ils ont essayé de nous servir quelque chose, ça a merdé, et je me suis moins emmerdé devant, enfin, je me suis quand même beaucoup ennuyé, moins devant celui-là que devant l'autre. Predators. Que devant Predators. Mmh. Predators, j'avais l'impression qu'on me lançait une intro PlayStation et qu'après, c'était la suite. Celui-là, ils ont essayé de nous faire un scénario. C'est raté. Moi, je salue l'effort de 0,5 points. 0,5 tu mets ou 1,5 ? 1,5. 1,5. 0,5 de plus que Predator. Donc je tangue entre le 0 et le 0,5. 0,5, j'ai un peu du mal à me justifier par mon 0,5 en fait. J'essaie de trouver quelque chose de positif à part les effets spéciaux. Je vois pas ce qui est intéressant parce que je me suis profondément ennuyé. Aller au 0,5 ça me paraît encore trop généreux pour de ma part, mais je serais plus tenté par un 0 pointé, quoi, tu vois. Non, 1,5, celui qui a pas envie de se prendre la tête, qui a 2-3 neurones seulement qui fonctionnent. peut aller le voir, il va se détendre une heure. Il faut mettre ses neurones sur pause. Quoi, c'est un peu comme les films d'horreur qui nous sortaient tout le temps dans les années 80-90. Ouais, les Vendredi 13, tu veux dire. Non, mais voilà, c'est, on y allait, on savait exactement à quoi s'attendre, et on sortait de là et on avait vu du gore. Bah voilà, pour moi, Predator, c'est le même truc. Les prédateurs passent pas leur journée à se faire des chapeaux avec nos os. Ils colonisent l'espace. Mais ce n'est pas ce qui se profile à l'horizon. Est-ce que je dois m'inquiéter ? Peut-être. Je crois que vous savez ce qu'il y a à bord. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.